Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 8. Chapitre 6. Comment l'homme qui n'est pas encore juste connaît le juste qu'il aime. Revenons donc sur nos pas, et examinons pourquoi nous aimons l'apôtre. Est-ce à cause de l'espèce humaine, qui nous est parfaitement connue, et parce que nous croyons qu'il a été homme? Non assurément. Autrement nous ne pourrions plus l'aimer, puisqu'il n'est plus homme, car son âme a été séparée de son corps. Mais nous sommes persuadés que ce que nous aimons en lui vit encore, car nous aimons une âme juste. Et d'après quelle règle générale ou spéciale, sinon parce que nous savons ce que c'est qu'une âme et ce que c'est qu'un juste? Quant à la nature de l'âme, nous avons toute raison de dire que nous la connaissons, puisque nous en avons une. Ce n'est point sur le témoignage de nos yeux, car nous ne l'avons jamais vue, ni d'après une notion générale ou spéciale tirée de l'analogie ou de la comparaison, que nous avons cette foi, mais bien plutôt, comme je l'ai dit, parce que nous avons une âme. Et, en effet, y a-t-il rien qui soit aussi intimement senti et qui sente aussi bien sa propre existence, que le principe même par lequel tout le reste est senti, c'est-à-dire l'âme? Car c'est d'après notre propre expérience que nous reconnaissons les mouvements des corps, qui nous prouvent qu'il y a d'autres êtres vivants hors de nous, puisque vivant nous-mêmes, nous imprimons à notre corps les mouvements que nous remarquons chez les autres. En effet, quand un corps vivant se meurt, nos yeux n'ont aucun moyen de voir l'âme, qui est un objet invisible pour eux, mais nous sentons que cette matière est animée par un principe semblable à celui qui anime notre propre corps, c'est-à-dire la vie de l'âme. Et ce n'est point ici quelque chose de propre à l'habileté humaine ou à la raison, car les bêtes aussi sentent la vie, non seulement en elles-mêmes, mais chez leurs semblables et en nous. Ni elles non plus ne voient nos âmes, mais elles s'aperçoivent de la vie par les mouvements du corps, sur le champ, avec la plus grande facilité comme par un instinct naturel. Nous connaissons donc toute âme d'après la nôtre. Et d'après la nôtre encore, nous croyons à l'existence de celle que nous ne connaissons pas. Non seulement nous nous apercevons de l'existence d'une âme, mais nous pouvons encore savoir ce qu'elle est par l'étude de la nôtre, puisque nous en avons une. Mais comment savons-nous ce que c'est que le juste? Car nous avons dit que nous aimons l'apôtre, uniquement parce que c'est une âme juste. Nous savons donc ce que c'est que d'être juste, aussi bien que nous savons ce que c'est qu'une âme. Or, comme nous l'avons dit, c'est d'après nous que nous savons ce que c'est qu'une âme, puisque nous en avons une. Mais comment, sans être juste, savons-nous ce que c'est qu'un juste? Et si personne ne sait ce que c'est qu'un juste, sans être juste, personne n'aimera ce juste sans l'être soi-même. En effet, on ne peut aimer celui qu'on croit juste, précisément parce qu'on le croit juste, quand on ne sait pas ce que c'est que d'être juste, et nous avons démontré plus haut que personne n'aime ce qu'il croit et ne voit pas, qu'en vertu de quelque notion générale ou particulière. Donc si le juste seul aime le juste, comment celui qui n'est pas juste désirera-t-il le devenir? Personne ne désire être ce qu'il n'aime pas. Mais pour devenir juste, celui qui ne l'est pas encore, voudra certainement le devenir, et dès qu'il le veut, il aime le juste. Donc, même celui qui n'est pas encore juste, aime le juste. Or, celui qui ignore ce que c'est que le juste, ne peut pas aimer le juste. Donc celui-même qui n'est pas encore juste, sait du moins ce que c'est que de l'être. Mais comment le sait-il ? Est-ce par le témoignage de ses yeux? Y a-t-il un corps juste, comme il y a un corps blanc ou noir, carré ou rond? Qui osera le dire? Cependant les yeux ne voient que des corps, Et il n'y a de juste dans l'homme que l'âme, et quand on dit d'un homme qu'il est juste, c'est de son âme qu'on parle, et non de son corps. La justice est en effet une certaine beauté de l'âme, qui rend beau les hommes, même la plupart de ceux dont le corps est tordu et difforme. Et comme les yeux ne voient pas l'âme, ils ne voient pas davantage sa beauté, comment donc celui qui n'est pas encore juste, connaît-il le juste, et l'aime-t-il pour le devenir lui-même? Y aurait-il, dans les mouvements du corps, certains indices qui feraient voir que tel ou tel homme est juste? Mais s'il ignore absolument ce que c'est qu'un juste, comment devinera-t-il les signes qui trahissent l'âme juste? Il connaît donc le juste. Mais comment le connaissons-nous, même quand nous ne sommes pas justes? Si nous puisons cette connaissance hors de nous, ce ne peut être que dans un corps. Or ce n'est point ici l'affaire d'un corps. Et quand je pose la question, je ne peux en trouver la réponse qu'en moi-même. Si je demande à un autre ce que c'est que le juste, il cherche également la réponse au-dedans de lui, et quiconque peut donner une réponse vraie, ne la trouve pas ailleurs qu'en lui-même. Quand je veux parler de Carthage, je cherche en moi quelque chose à dire et j'y trouve une Carthage imaginaire, mais cette image, je l'ai perçue par le corps, c'est-à-dire par la sensation du corps, puisque j'ai été là corporellement, que j'ai vu la ville, que j'en ai éprouvé une impression qui m'est restée dans la mémoire, tellement que j'ai trouvé en moi le mot pour en parler, quand il m'a plu de le faire. Car cette forme imaginaire, fixée en ma mémoire, est le verbe même de Carthage, non pas en trois syllabes qu'on exprime quand on nomme Carthage, ou même le nom qui traverse sans bruit l'espace du temps mais ce que je vois dans mon âme, quand je prononce ces trois syllabes, ou même avant que je ne les prononce. Et si je veux parler d'Alexandrie, que je n'ai jamais vue, vite aussi une image se présente à mon esprit, ayant entendu beaucoup de personnes dire que c'est une grande ville et les ayant cru sur parole, je m'en suis fait une certaine idée, calquée, autant que possible, sur leur récit, et c'est là le verbe que je trouve en moi avant de prononcer les cinq syllabes, si connues de tout le monde à peu près. Et pourtant si je pouvais tirer de mon âme cette image et la montrer à ceux qui connaissent Alexandrie, sans doute tous diraient, ce n'est pas elle, ou s'ils disaient, c'est elle, j'en serais fort étonné, puis la considérant en moi-même, c'est-à-dire son image ou son portrait, je ne pourrais m'assurer que c'est elle, mais je m'en rapporterais à ceux qui l'ont vue. Or, il n'en est pas ainsi, quand je cherche ce que c'est que le juste, je ne le trouve pas, je ne le vois pas de cette manière, quand j'en parle, on ne tombe pas ainsi d'accord sur ce que j'en puis dire, je n'approuve pas non plus tout ce que j'en entends dire, comme si j'avais vu de mes yeux ou perçu par quelqu'un de mes sens corporels quelque chose de ce genre, ou que j'en eusse entendu parler à d'autres qui l'avaient connu. En effet, quand je dis, et avec certitude de ce que j'avance, l'âme juste est celle qui, réglant sa vie et ses mœurs par la science et la raison, rend à chacun ce qui lui est dû, mon esprit ne se porte pas vers un objet absent, comme serait Carthage par exemple, ni il ne se forge pas une image arbitraire, qui peut être vraie ou fausse, comme serait celle d'Alexandrie. Mais je vois quelque chose de présent, quelque chose qui est en moi, bien que ce ne soit pas moi, et beaucoup de ceux qui m'entendront seront de mon avis. Et quiconque m'entend et m'approuve avec connaissance de cause, sciemment, en voit autant en lui-même, bien qu'il ne soit pas lui-même ce qu'il voit. Mais si c'est un juste qui parle, il voit et exprime ce qu'il est lui-même. Et où le voit-il? Sinon en lui? En quoi il n'y a rien d'étonnant, car où le verrait-il, si ce n'était en lui-même? Le merveilleux est que l'âme voit en elle ce qu'elle n'a vu nulle part ailleurs, qu'elle voit ce qui est vrai, qu'elle voit la véritable âme juste, qu'elle soit une âme elle-même et ne soit pas l'âme juste qu'elle voit en elle. Y a-t-il donc une autre âme juste dans l'âme qui n'est pas encore juste? Sinon, quelle âme voit-elle donc, quand elle voit et dit ce que c'est que l'âme juste, qu'elle n'en a point vu ailleurs qu'en elle-même, quoiqu'elle-même ne soit pas âme juste? Ce qu'elle voit est-il donc une vérité intérieure, présente à l'âme qui peut la voir? Car tous ne le peuvent pas, et ceux qui le peuvent ne sont pas tous ceux qu'ils voient, c'est-à-dire ne sont pas eux-mêmes des âmes justes, bien qu'ils puissent voir et dire ce que c'est qu'une âme juste. Mais comment deviendront-ils justes, sinon en s'attachant au modèle qu'ils voient, pour le reproduire eux-mêmes et devenir des âmes justes? Ne se contentant pas de voir et de dire que l'âme juste est celle qui réglant sa vie et ses mœurs par la science et la raison, rend à chacun ce qui lui est dû, mais réglant eux-mêmes leur vie et leurs mœurs sur la justice, en rendant à chacun ce qui lui est dû, de manière à ne devoir rien à personne, sinon de s'aimer mutuellement. Romains 13, 8. Et comment s'attache-t-on à ce modèle, sinon par l'amour? Pourquoi donc aimons-nous un homme que nous croyons juste et n'aimons-nous pas le type même par lequel nous voyons ce que c'est que l'âme juste, afin de devenir juste nous-mêmes? Serait-ce que si nous n'aimions pas ce type, nous n'aimerions pas celui que nous aimons parce qu'il lui est conforme, et que tant que nous ne sommes pas justes, nous n'aimons pas assez ce type pour devenir juste nous-mêmes? L'homme que l'on croit juste est donc aimé d'après le type et la vérité que celui qu'il aime voit et retrouve en son propre fond. Mais il n'est pas possible d'aimer ce type et cette vérité par un motif qui leur soit étranger. Hors d'eux, en effet, hors de leur connaissance, nous ne trouvons rien qui nous les fasse aimer par la foi et par analogie à quelque autre chose que nous connaissons. En effet, tout ce que nous verrons de semblable à ce type, c'est ce type même, et rien ne lui ressemble parce que, seul, il est tel qu'il est. Donc celui qui aime les hommes doit les aimer parce qu'ils sont justes, ou pour qu'ils le deviennent. Car il doit ainsi s'aimer lui-même de cette façon, ou parce qu'il est juste ou pour le devenir, alors seulement il pourra sans danger aimer son prochain comme lui-même. Celui qui s'aime autrement, s'aime injustement, puisqu'il s'aime pour devenir injuste, par conséquent pour être mauvais, et par là même il ne s'aime pas, car, celui qui aime l'iniquité, est son âme. Psaume 10, 6. Chapitre 7. Du véritable amour par lequel on parvient à la connaissance de la Trinité. Il faut chercher Dieu, en imitant la piété des bons anges. Ainsi, dans la question de la Trinité et de la connaissance de Dieu, qui nous occupe, le point principal est de savoir ce que c'est que le véritable amour, ou même ce que c'est que l'amour. On ne peut en effet donner le nom d'amour qu'au véritable amour, autrement c'est la passion. C'est donc par abus qu'on donne à la passion le nom d'amour, et à l'amour le nom de passion. Or, ce véritable amour consiste à s'attacher à la vérité pour vivre selon la justice, et par conséquent à dédaigner toutes les choses passagères par amour pour les hommes, par le désir de les voir vivre selon la justice. Nous pourrons alors être prêts à mourir utilement pour nos frères, suivant l'exemple que nous en a donné notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, comme toute la loi et les prophètes se rattachent aux deux préceptes de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, Matthieu 22, 37 à 40, ce n'est pas sans raison que l'Écriture met souvent l'un pour l'autre. Tantôt elle ne mentionne que l'amour de Dieu, comme dans ce texte. Nous savons que tout coopère au bien pour ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Et encore, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui, 1 Corinthiens 8, 3. Et ailleurs, parce que la charité de Dieu est répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5, et dans une foule d'autres passages, la conséquence étant que celui qui aime Dieu fait ce que Dieu commande, et s'aime dans la proportion où il le fait, et par conséquent aime le prochain puisque Dieu en a donné l'ordre. Tantôt l'Écriture ne parle que de l'amour du prochain, comme ici, portez les fardeaux les uns des autres, et c'est ainsi que vous accomplirez la loi du Christ, Galates 6, 2. Et encore, car toute la loi est renfermée dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Galates 5, 14. Et dans l'Évangile, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi, car c'est la loi et les prophètes, Matthieu 7, 12. Dans beaucoup d'autres passages de ce genre, nous voyons que les saintes lettres semblent ne rattacher la perfection qu'à l'amour du prochain, en passant sous silence l'amour de Dieu, quoique la loi et les prophètes se rattachent à ces deux préceptes. Mais la raison en est que celui qui aime son prochain, aime avant tout l'amour lui-même. Or, Dieu est amour, et qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui, 1 Jean 4, 16. Donc, en ce cas, c'est Dieu qu'on aime avant tout. Par conséquent, ceux qui cherchent Dieu par l'intermédiaire des puissances qui gouvernent le monde ou les parties du monde, s'en séparent et en sont jetés à une grande distance, distance, non de lieu, mais d'affection, car, ayant Dieu au-dedans d'eux, ils le cherchent péniblement au-dehors, en abandonnant leur intérieur. Ainsi quand même ils entendraient une puissance sainte et céleste, où cela figurerait d'une manière quelconque, ce qu'ils ambitionnent, c'est plutôt le pouvoir de ces esprits, objet d'admiration pour la faiblesse humaine, que l'imitation de leur piété, principe du repos en Dieu. Ils aiment mieux, par orgueil, pouvoir ce que peut un ange, que d'être, par dévotion, ce qu'est un ange. Car ce n'est pas de lui-même qu'un saint tient son pouvoir, mais de celui de qui vient tout pouvoir légitime, et il sait qu'être uni au Tout-Puissant par une pieuse volonté est le signe d'une plus grande puissance, que de pouvoir, par sa volonté propre, produire des œuvres redoutables à ceux qui ne jouissent pas d'une telle faculté. Aussi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, tout en opérant de tels prodiges, mais voulant donner de plus hautes leçons à ceux qui l'admiraient et ramener aux choses éternelles et intérieures leurs esprits attentifs et comme suspendus à des miracles de l'ordre temporel, leur disait, « Venez à moi, vous tous qui prenez de la peine et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous. » Il ne leur dit pas, « Apprenez de moi que je ressuscite les morts de 4 jours mais bien, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » En effet, une humilité inébranlable est plus puissante et plus sûre qu'une hauteur bouffie d'orgueil. Aussi ajoute-t-il, « Et vous trouverez du repos pour vos âmes, » Matthieu 11, 28, 29. Car, la charité ne s'enfle pas, 1 Corinthiens 13, 4, et, « Dieu est amour, » Jean 4, 8. Et, les fidèles lui obéiront avec amour, Sagesse 3, 9, étant ramenés des bruits du dehors aux joies silencieuses. Voilà que, Dieu est amour, pourquoi donc aller y recourir, dans les hauteurs des cieux et dans les profondeurs de la terre, à la recherche de celui qui est en nous, si nous voulons être en lui? Chapitre 8. Aimer son frère, c'est aimer Dieu. Que personne ne dise, je ne sais quoi aimer. Qu'il aime son frère et il aimera l'amour même. En effet, il connaît mieux l'amour qui le fait aimer, que le frère qu'il aime. Il peut donc connaître Dieu mieux qu'il ne connaît son frère, beaucoup mieux, parce que Dieu est plus présent, beaucoup mieux, parce qu'il est plus intime, beaucoup mieux, parce qu'il est plus certain. Embrasse le Dieu amour, et tu embrasseras Dieu par l'amour. C'est cet amour qui unit tous les bons anges et tous les serviteurs de Dieu par le lien de la sainteté, nous unit à eux et entre nous, et nous rattache tous à lui. Donc plus nous sommes exempts de la bouffissure de l'orgueil, plus nous sommes remplis d'amour et de quoi, sinon de Dieu, et remplis celui qui est rempli d'amour? Mais, diras-tu, je vois la charité, je la découvre tant que possible des yeux de l'esprit, et je crois à l'écriture qui me dit, Dieu est charité, et qui demeure dans la charité demeure en Dieu, Jean 4, 16, mais si je vois la charité, je ne vois pas en elle la Trinité. Eh bien, tu vois la Trinité, si tu vois la charité. Je ferai mes efforts pour t'en convaincre, seulement qu'elle daigne elle-même nous assister, afin que la charité nous mène à quelques bons résultats. Quand nous aimons la charité, nous l'aimons comme aimant quelque chose, précisément parce qu'elle aime quelque chose. Qu'aime donc la charité, pour pouvoir elle-même être aimée? Car la charité qui n'aime rien, n'est plus la charité. Or, si elle s'aime elle-même, il faut qu'elle aime quelque chose, afin de s'aimer comme charité. De même que la parole s'indique elle-même en indiquant quelque chose, et ne s'indique pas comme parole, si elle n'indique pas qu'elle indique quelque chose, ainsi la charité s'aime sans doute elle-même. Mais si elle ne s'aime pas comme aimant quelque chose, elle ne s'aime pas comme charité. Qu'aime donc la charité, sinon ce que nous aimons par elle? Or, ce quelque chose, à prendre le prochain pour point de départ, c'est notre frère. Et voyez avec quel soin l'apôtre Jean recommande la charité fraternelle. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et le scandale n'est point en lui, Jean 2, 19. Il est évident qu'il place la perfection dans l'amour du prochain car celui en qui le scandale n'existe pas est parfait. Néanmoins il semble passer l'amour de Dieu sous silence, ce qu'il ne ferait certainement pas, s'il ne renfermait Dieu lui-même dans l'amour fraternel. Et la preuve, c'est qu'un peu plus bas, dans la même épître, il nous dit en termes très clairs, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que la charité est de Dieu. Ainsi quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime point, n'aime pas Dieu, parce que Dieu est charité. » Ce contexte fait voir assez clairement que, selon cette autorité d'un si grand poids, la charité fraternelle, car la charité fraternelle est l'amour que nous nous portons les uns aux autres, non seulement est de Dieu, mais est Dieu même. Ainsi donc, si notre amour pour notre frère vient de la charité, il vient de Dieu, et il ne peut se faire que nous n'aimions avant tout l'amour même qui nous fait aimer un frère. D'où il faut conclure que ces deux préceptes sont inséparables, car, puisque, Dieu est charité, celui qui aime la charité aime certainement Dieu, or, celui qui aime son frère aime nécessairement la charité. Aussi l'apôtre ajoute peu après, celui qui n'aime point son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit point. Jean 4, 7, 8, 20, et la raison pour laquelle il ne voit point Dieu, c'est qu'il n'aime pas son frère. Car celui qui n'aime pas son frère n'est pas dans l'amour, et celui qui n'est pas dans l'amour n'est pas en Dieu, puisque Dieu est amour. Or, Celui qui n'est pas en Dieu n'est pas dans la lumière, puisque Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Jean 1, 5. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que celui qui n'est pas dans la lumière ne voit pas la lumière, c'est-à-dire ne voit pas Dieu, puisqu'il est dans les ténèbres? Seulement il voit son frère des yeux du corps avec lesquels on ne peut voir Dieu, mais s'il aimait d'une charité spirituelle celui qu'il voit des yeux du corps, il verrait Dieu, qui est la charité même, de cet œil intérieur par lequel on peut le voir. Comment donc celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, pourra-t-il aimer Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il ne voit pas précisément parce que Dieu est amour, l'amour que n'a pas celui qui n'aime pas son frère. Et qu'on ne demande pas combien d'amour nous devons à un frère et combien à Dieu. Nous en devons incomparablement plus à Dieu qu'à nous, et autant à un frère qu'à nous-mêmes, mais nous nous aimons d'autant plus nous-mêmes, que nous aimons Dieu davantage. C'est donc par un seul et même amour que nous aimons Dieu et le prochain, mais nous aimons Dieu pour Dieu, et nous-mêmes et le prochain pour Dieu. Chapitre 9. L'amour du type immuable de la justice est le principe de notre amour pour les justes. Qu'est-ce, je vous demande, que cette flamme qui brûle en nous quand nous entendons ou lisons les paroles suivantes? Voici maintenant un temps favorable, voici maintenant un jour de salut. Ne donnant à personne aucun scandale, afin que notre ministère ne soit point décrié, montrons-nous, au contraire, en toutes choses, comme des ministres de Dieu, par une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la longanimité, par la mansuétude, par l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par les armes de la justice à droite et à gauche, dans la gloire et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, comme séducteur et cependant sincère, comme inconnu et toutefois très connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié, mais non mis à mort, comme triste, mais toujours dans la joie, comme pauvre, mais enrichissant beaucoup d'autres, comme n'ayant rien et possédant tout, 2 Corinthiens 6, 2 à 10. Pourquoi cette lecture nous enflamme-t-elle d'amour pour l'apôtre Paul, sinon parce que nous croyons qu'il a vécu selon le modèle qu'il trace? Or, que les ministres de Dieu doivent vivre de la sorte, ce n'est pas sur la parole des autres que nous le croyons, mais nous le voyons nous, ou plutôt au-dessus de nous, dans la vérité même. C'est donc d'après ce que nous voyons que nous aimons celui que nous croyons avoir ainsi vécu. Et si nous n'aimions pas, avant tout, le type que nous savons permanent et immuable, nous n'aimerions point celui qui a conformé sa vie pendant qu'il était sur la terre, ainsi que nous le croyons fermement. Mais, je ne sais comment, nous sommes plus vivement excités à aimer le type lui-même, précisément parce que nous croyons qu'un homme y a conformé sa vie, et nous ne perdons point du tout l'espérance, nous qui sommes hommes, d'y conformer aussi la nôtre, précisément parce que quelques hommes l'ont fait, en sorte que notre désir en devient plus ardent et notre prière plus fervente. Ainsi l'amour même du type nous fait aimer la vie que certains hommes ont menée, et la certitude qu'ils l'ont menée augmente encore notre amour pour le type, et, par là il arrive que plus notre amour pour Dieu est ardent, plus notre vue acquiert de certitude et de clarté, parce que nous voyons Dieu même le type immuable de justice selon lequel nous pensons que l'homme doit vivre. La foi peut donc nous procurer la connaissance et l'amour de Dieu qui, Dès lors, n'est plus tout à fait inconnu ni soustrait à notre amour, elle devient un moyen de le connaître plus clairement et de l'aimer plus solidement. Chapitre 10. Il y a, dans la charité, trois caractères qui sont communes empreintes de la Trinité. Or, qu'est-ce que la charité ou l'amour tant loué, tant préconisé par l'Écriture, sinon l'amour du bien? Mais l'amour suppose quelqu'un qui aime, et quelque objet qui est aimé. Voilà donc trois choses. Celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour. Qu'est-ce donc que l'amour, sinon une certaine vie qui unit deux objets ou tend à les unir, à savoir un objet aimant et un objet aimé? Il en est ainsi même dans les amours extérieurs et charnels. Mais pour puiser à une source plus pure et plus limpide, foulons la chair aux pieds et montons jusqu'à l'âme. Qu'est-ce que l'âme même dans l'être aimé, sinon une âme? Il y a donc là trois choses. Le sujet de l'amour, l'objet de l'amour et l'amour. Il nous reste à monter encore et à retrouver tout cela dans un ordre plus élevé, autant que cela est donné à l'homme. Mais que notre attention se repose ici un instant, non dans la pensée qu'elle a trouvé ce qu'elle cherche, mais comme il est d'usage de le faire quand on a trouvé le lieu où l'on a quelque chose à chercher. Rien n'est trouvé encore, mais nous savons où chercher. Que ceci suffise et serve comme d'exorde à ce que nous avons à dire ensuite. Markendanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.